Nicolas Bouzoum, vous revenez vous ce matin sur le rapport annuel de l'ONG Oxfam, qui est traditionnellement publié le jour de l'ouverture du forum de Davos, hein, comme un pied de nez d'ailleurs. Ce rapport pointe l'augmentation des inégalités dans le monde depuis 2 ans. Oui, avec des punchlines qui sont assez fortes, hein, du type un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. Alors, ce sujet des inégalités, c'est un vrai sujet, hein, parce que c'est bien aujourd'hui une évolution vers plus d'inégalités que l'on observe au niveau mondial, inégalités de revenus, surtout inégalités de patrimoine, y compris en France, même si c'est quand même beaucoup moins fort qu'ailleurs, parce qu'on a des prélèvements obligatoires qui sont très redistributifs. Donc, un vrai sujet, mais pour être crédible, justement, ce sujet, il faut le traiter avec rigueur et honnêteté. Alors, il y a d'abord ce chiffre qui est rabâché à l'envie depuis lundi, hein, la fortune des milliardaires a autant progressé en 19 mois de Covid que lors des 10 années précédentes. Ça n'est pas le cas, Nicolas ? Oui, alors écoutez, je ne sais pas justement si c'est un problème de rigueur ou d'honnêteté, mais globalement, il y a quand même beaucoup de confusion dans ce rapport. Alors la première chose quand même qu'il faut dire, c'est que ces hausses de patrimoine des milliardaires, ce sont des hausses qui sont la plupart du temps virtuelles. Pourquoi ? Parce que ces milliardaires, en fait, détiennent des actions, et ces hausses de patrimoine, elles sont liées à l'augmentation des cours de bourse. Alors dans la majorité des cas, ce n'est pas de l'argent qui va dans leur poche, c'est un enrichissement qui est un enrichissement virtuel, mais qui n'est pas réel, et qui peut d'ailleurs s'inverser. Deuxième type de confusion qui me met hors de moi, c'est la confusion entre les stocks et les flux. Par exemple, le rapport nous dit, depuis le début de la crise, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d'euros, ça permettrait de quadrupler le budget de l'hôpital public. C'est ce que nous dit Oxfam. Eh ben non, c'est faux, c'est archi faux, parce que le patrimoine, c'est un stock virtuel en l'occurrence, un budget, c'est un flux qui doit se renouveler tous les ans, et c'est un flux d'argent bien réel. Donc il n'y a pas de correspondance entre les deux. Ça, c'est de la manipulation statistique. Et puis, dernière confusion, mais non des moindres, une confusion logique. Oxfam nous dit le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Oui, mais c'est pas dans les mêmes pays. Alors c'est vrai que les milliardaires ont vu leur patrimoine augmenter grâce à l'argent qui a été déversé par les aides pendant la crise, hein, ce que l'on a appelé chez nous le quoi qu'il en coûte. Mais c'est bien ce quoi qu'il en coûte qui, là où il a été mené, notamment en France, a permis de limiter la pauvreté. Donc il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de lien causal entre l'augmentation du nombre de milliardaires qui générerait plus de pauvreté. Ça aussi, c'est une manipulation. Donc les riches sont plus riches, mais c'est pas sur le dos des pauvres, en tout cas en ce qui concerne exactement la France. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce rapport pour conclure ? Eh ben c'est dommage, parce qu'il dessert sa cause, parce que il attise un peu les jalousies, et que ce sujet, qui est un immense sujet, notamment dans les pays anglo-saxons, mériterait une analyse mieux menée. Merci Nicolas. La France et les riches, hein. La France et les signes extérieurs de richesse. Bah d'ailleurs, c'est un peu l'équation de l'affaire Blanquer à Ibiza. Oui. Bah, on en reparlera avec tout à l'heure Nicolas Bétou à 7h50. Merci Nicolas Bouzou.